Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes, l'émission qui parle de radio sur fréquence protestante durant trois quarts d'heure et du parcours radiophonique d'un invité. Et pour cette 54e émission, je reçois un cavalier qui surgit à la tombée de la nuit, qui court vers les ondes au galop. Son rock, il le signe à la pointe du micro d'un Z qui ne veut pas dire Zorro. Ah ça non. La musique est sa grande passion, il partage son univers rock le soir sur RTL2. Et aujourd'hui, il est avec nous pour partager sa carrière radio vécue à la rue Bayard, à Neuilly maintenant. Préparez-vous, bande de petites graisseuses et de petits graisseux. Mon invité se nomme Zégut, Francis Zégut. Bienvenue. Lui ça, bande de petites graisseuses et bande de petits graisseux. Ah, vous n'avez pas perdu l'énergie des années 80. Ah oui, mais voilà, je peux le faire sur 10 secondes, mais je peux plus le faire sur une heure maintenant, faut être clair. En tout cas, merci à vous d'être venu en cette émission, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, c'est rare de vous entendre en pleine journée sur les ondes. Ouais, moi je suis plutôt un oiseau nocturne, j'ai toujours été d'ailleurs, quand j'étais môme, ado, je me couchais très tard, j'ai du mal à dormir, puis je rêvais de trucs à droite à gauche, d'avoir fait les routiers sont sympas, avec Meignier à la fin des années 70 c'était le soir, et puis j'écoutais des gens qui bossaient le soir, j'écoutais José Arthur sur France Inter, j'écoutais Hébé également sur RTL, ça m'a bien plu quoi, et ça me plaît encore toujours, je me couche rarement avant 2h du matin, mais bon, avec une petite sieste l'après-midi, maintenant ça s'arrange. Alors, je pense qu'on va y revenir au cours de l'émission. On va commencer par la question traditionnelle de cette émission. Vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Alors, ça me rappelle des souvenirs parce que je suis né radiophoniquement au niveau de l'état civil, bien évidemment. J'ai un peu l'âge de Gandalf, mais au niveau de la radio, je suis né avant les radios associatives puisque j'ai fait du standard chez Max Meignier en 1976 et que ma première maquette devait être en 79. Je crois qu'il y avait quelques radios pirates à ce moment-là, mais la FM n'avait pas encore débarqué. Et la radio, justement, est-ce que ça a toujours été une envie pour vous ? Tout a été guidé et est encore guidé par la musique. Parce que quand j'étais môme, j'étais un petit enfant de la DAS. J'ai eu une sorte de syndrome de l'abandon avec mes parents qui m'avaient laissé, qui m'ont repris ensuite. Mais j'ai déplacé dans une ferme avec deux vieux au trou du cul du monde de la Normandie. Et mon seul petit écran évasion, mes seules couleurs, c'était à travers la radio. Donc j'ai découvert, oui, la radio comme moyen de communication et comme aide à côté de moi. Mais j'ai surtout connu la musique qui m'a... Je suis passé du noir et blanc à la couleur avec la musique. Et depuis ce temps-là, c'est ce qui me guide. Et je dis toujours que j'essaie de rendre à la musique ce qu'elle m'a apporté. Sans ça, j'aurais fini beaucoup plus mal que ça, quoi. Et la radio, justement, pour vous, c'est un moyen de transmettre aussi cette, oui, cette passion. Oui, oui, mais c'est pas transmettre une passion, c'est quelque chose d'extraordinaire la radio, parce que c'est un peu comme la lecture. Tu peux être fantasmé en écoutant la radio et te placer dans tel ou tel contexte ou t'imaginer que l'animateur a telle ou telle voix. C'est comme quand tu lis, tu te dis tiens, je serais bien dans le personnage de machin et je réagis comme ça, etc. Ça te laisse une liberté de penser et de rêver qui est absolument extraordinaire. La télé, tu la prends en pleine face, quoi. T'es confronté à l'écran, et on t'impose quelques diktats, il faut être comme ci, comme ça, pas comme ci, pas comme ça, pas hurler, pas si, si, fais pas ci, fais pas ça. Voilà, alors que la radio, il y a encore cette notion de liberté. Oui. D'ailleurs, je saute un petit peu dans le temps, de la télé, vous en avez fait également un peu plus tard, dans les années 90, je crois, sur MCM, il y a eu Canal. Vous avez senti, vous, cette... ce manque de liberté dont vous parlez par rapport à la radio ? Alors, jusqu'en 1995, il y a eu cette forme de liberté quand on... Rest in peace à Gildas. Quand on voit ce qu'a été Canal et ce qu'est Canal maintenant, c'est plus du tout la même chose. Quand on voit ce qu'a été le début de la FM avec la liberté de faire un format New Wave et Punk pour la voix du Lézard avec Carbone 14, avec toutes ces radios qui avaient des différences, bon, maintenant, on s'aperçoit d'une forme d'uniformité qui est calée par la ménagère de moins de 50 ans, n'aime pas la guitare électrique, donc sur les radios on n'entend plus de guitare électrique, il faut être clair. On est plein d'électro, je dis pas que l'électro c'est naze parce qu'il y a de très belles choses, mais en tous les cas, quand il y a une guitare, elle est acoustique et dans un re-re au fond de la cour, et plus des guitares électriques comme on avait dans jusqu'au milieu des années 90. Ouais. Mais est-ce que vous pensez pas, vous, qu'il pourrait y avoir un jour un réveil, un nouveau sursaut, justement, du rock? Mais non, parce que tout ça, maintenant, c'est de l'industrie. Donc, qui dit industrie, ben voilà, quoi. Hein. On est en face, de réunions, de reporting, d'argent, d'analyse, de call-out, il en faut plus. Non, on n'est pas dans une logique de liberté. Enfin, bon, après, la liberté à outrance, c'est pas bon non plus. Mais on n'est plus dans cette forme de créativité, de spontanéité. On va revenir justement à cette époque de vos débuts dans les années 70. Donc, vous parliez de votre début à RTL chez Max Meynier. Comment vous y êtes entré à RTL ? Par hasard, j'étais au chômage et j'ai un pote qui bossait au Standard qui a pris des vacances et qui m'a dit « Tu veux pas me remplacer au Standard pendant un mois ?» Et j'ai été bosser, donc ça m'a mis de la sauce tomate dans mes pattes. Donc, j'étais content et surtout, j'ai découvert ce que j'écoutais, c'est-à-dire les gens qui me faisaient rêver, la manière dont c'était réalisé, et j'ai découvert ça encore doublement, bien évidemment en découvrant la radio et en découvrant les gens qui écoutaient la radio, puisque j'étais au Standard pendant 2 ans, et à force de prendre les gens, ben voilà, on se fait une petite idée de ce que peut être l'auditoire d'une radio. Il y a des gens super, il y a des cons, c'est un peu comme dans la vie globalement, mais ça apprend beaucoup de choses. En tous les cas, de réagir vis-à-vis des gens. Et quand tu rencontres les gens en dehors du contexte de la radio, tu t'aperçois que t'as cru en des choses, une musique ou une autre, un groupe ou un autre, ou t'as eu un mot ou un autre. Et quand tu rencontres les gens en vrai, ils te disent « Ah ben, en 92 ou en 80, t'as passé ce truc-là. » Je suis devenu régisseur technique sur des concerts, j'ai appris à faire de la guitare, machin, etc. Ou je suis devenu toute autre chose. En tous les cas, tu sens 20 ans après ou 25 ans que t'as accompagné des gens comme la radio m'a accompagné moi à mon époque quand j'étais minot et que j'avais des problèmes. Donc je trouve que c'est un média fantastique. Et c'est ce que vous retenez de votre première expérience, en tout cas au Standard. Oui, je retiens ça. Je retiens aussi l'énorme. On n'avait pas le portable, on n'avait pas Internet, on n'avait rien du tout. Donc, ce qui était extraordinaire et là où l'idée était géniale, c'est de faire venir à Calberson, qui était les entrepôts à Aubervilliers. Tous les soirs, il y avait 100 ou 200 camions qui montaient sur le toit des entrepôts où le studio de la radio était. Et donc, il y avait non seulement cette notion de service sur la route, et puis il y avait une machine à café, un tableau où les gens voulaient partir en stop avec des gens qui venaient, qui prenaient une heure, se détendre, se réchauffer. Voilà, il y avait un lien humain très fort, quoi. Et dans la radio, ça existait pleinement à cette époque-là, quoi. Ouais, il y avait surtout cet esprit de communauté qui était très fort dans Les routiers sont sympas. Oui, mais bon, c'était normal. Les mecs roulaient. Et les deux seuls liens qu'ils pouvaient avoir, c'est la CB, les uns entre les autres, et le contact avec l'extérieur et leur patron et leur femme et leur famille, c'était de s'arrêter, de trouver un téléphone filaire, parce qu'il n'y avait pas le smartphone à l'époque, et puis de passer un message au Standard, que le message passe à la radio. Oui, ça a entretenu une communauté fantastique, quoi. Et vous aviez quel âge à ce moment-là, votre entrée à RTL ? Eh ben, écoute, 76, j'avais 23 ans. Et à ce moment-là, durant vos deux premières années, l'envie de manger du micro, ça ne vous a pas tenté ? Non, j'ai jamais voulu être animateur. C'était pas une fin en soi pour moi. Avant de rentrer aux routiers sont sympas, j'ai fait plein de petits jobs et puis j'ai acheté que des vinyles, que de la musique. Avant de rentrer là, j'avais 5000 vinyles chez moi déjà, hein, et je connaissais qui jouait avec qui, où ça a été enregistré, comment le morceau se termine, comment il commence, sa durée, qui a fait la pochette. Enfin bon, voilà, je lisais et j'écoutais la musique. Mais je savais pas ce que j'allais en faire. Donc quand j'ai découvert la radio en tant que profession, j'ai vu les mecs qui passaient des disques que j'écoutais moi de l'autre côté. Je me dis putain, ça c'est le truc ultime. Et comme je continuais à acheter des vinyles, une ou deux fois, je suis allé acheter un Super Tramp en 76. Et puis un autre, je suis allé acheter le premier album de U2 en 81 quand je faisais la prog de Jean-Bernard Hébé. Et les mecs, j'aurais dit, c'est super, il faut que t'écoutes. Le mec, il écoute, il me dit, c'est super, il le passe à l'antenne. Et ce truc-là, ça a été une sorte de déclic pour moi, c'est-à-dire que tu pouvais aimer quelque chose et puis le partager de l'autre côté. Alors, les gens qui attrapent pas, mais c'est comme dans la vie, mais il y a des gens qui attrapent de l'autre côté. Donc, c'était une sorte de communication vis-à-vis des autres de l'autre côté qui n'avaient peut-être pas eu l'enfance que j'ai. Mais quand j'ai fait Wongo Tango un peu plus tard, je me suis aperçu qu'il y a des mecs qui écoutaient entre 23h et minuit, que d'écouter du métal, ça les avait empêchés de faire des conneries. Donc y a également ce lien d'humanité dans la radio, telle qu'elle était à cette époque-là. Alors justement, Wongo Tango, on va y venir, c'était votre première émission vraiment radio. Comment vous avez convaincu la direction d'RTL de faire une telle émission ? Je ne sais pas, je les remercie hein, d'ailleurs, mais je ne sais pas du tout. J'aimais beaucoup le métal, donc j'achetais du métal. On m'a demandé un moment avec un réalisateur de faire une maquette parce que j'avais une bonne voix et je m'y connaissais en musique. J'ai fait une maquette avec 3 morceaux de métal en gueulant. Voilà, c'est tout. Je lisais les Bidochons de Binet et ce truc me fascinait entre les deux vieux avec le clébard qui détestait les jeunes. Et c'était un peu comme le métal où, c'était pas de la musique pour les anciens à cette époque-là. Les gens aimaient, je sais pas, Brassens ou Brel qui ont fait de très bonnes chansons, mais c'était pas du métal. Le métal, c'était la musique des mômes ou des ados, hein, quand on est fin 70, début des années 80. Donc, pour moi, le métal, ça pouvait pas se présenter simplement en parlant, en annonçant ou désannonçant, etc. Ça devait se gueuler. Donc, j'ai gueulé pendant 10 ans, debout, en face de micro. J'ai pété un nombre d'enceintes incalculable parce que tout était à bloc dans le studio. C'est ce que j'ai lu, justement. Ouais, j'y croyais pas. Vous coûtiez cher à RTL, alors. Des belles JBL, mais on mettait ça à bloc et on a pété quelques paires, comme ça, ouais. Alors, on va revenir sur Wongo Tango plus en détail dans quelques instants. Le temps de nous écouter un premier choix musical que vous avez choisi, Francis. Ouais. C'est Greta Van Fleet, Nouveauté. Je vous laisse nous en parler. On écoute ou j'en parle ? Je vais vous en parler et puis on se l'écoute. D'accord. Alors, dans Greta Van Fleet, j'ai découvert ça. C'est un copain de Los Angeles qui m'a envoyé un mail en me disant je sais plus, la 405 à Los Angeles, je suis en train d'écouter un truc, c'est extraordinaire. Et je lui ai demandé, ah bon, pourquoi ? Ben, il m'a dit, c'est Led Zeppelin. Alors j'ai dit, ah bon, c'est Led Zeppelin. Effectivement, lorsque j'écoutais ça la première fois, je me suis dit, mais ça joue comme Led Zeppelin, ça chante comme Led Zeppelin, c'est pas Led Zeppelin. Alors certains vont dire, oui, c'est copie, machin, mais je m'en fous. Ça veut dire qu'il y a des mômes qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ont... Voilà, on écoute la voix, là. Start. Alors, on ne pourra pas le passer en entier parce qu'il dure 6 minutes. Greta Van Fleet, sur leur dernier album, c'était Age of Maine. Alors, par contre, en radio, moi, j'ai une règle que je me fixe. C'est Stairway to Heaven de Led Zeppelin, justement, interdiction de le couper. Ah oui, pour moi, ce morceau est sacré. Ce morceau, si on l'a coupé, là, parce qu'on est formaté. On est pris par le temps, c'est pas pareil. On est pris par le temps. Il dure 6 minutes. Non, mais pour revenir sur ce groupe, les jeunes filles et les jeunes gens qui ont 15 ans, 17, 18 vont voir Greta Van Fleet. Il repart, je crois, le 3 mars au Zénith, hein, donc ça augmente petit à petit, mais là ils vont remplir un Zénith et peuvent les découvrir et savoir ce que c'est que la guitare électrique, qui n'est pas un instrument facile. J'ai trop saigné sur des Gibson, comme le disait Jean-Jacques, mais en tous les cas, un instrument tellement formidable à manipuler, tellement sensuel, et ça donne des choses comme ça. Alors, je suis conscient que les temps modernes ont fait que beaucoup de monde a pu se dire « je peux faire un hit de chez moi avec un logiciel », ce qui est en partie vrai, hein, parce qu'on a vu beaucoup de choses qui tenaient plus ou moins bien la route devenir des tubes. Mais en tous les cas, on peut servir de l'électricité et de l'électronique en même temps, à partir du moment où on a du talent pour composer des chansons et pour jouer. Pour moi, ça, c'est immensément respectable. Donc, j'espère que Greta Van Fleet va réussir à drainer du monde derrière lui, et ainsi que ça ouvre une porte pour d'autres groupes derrière, parce que malheureusement, il y a encore des milliers de très bons groupes. Quand on est sur Internet, qu'on fouille à droite à gauche et qu'on écoute certains sites, certaines applis, on trouve beaucoup de choses, mais qui ne passent pas à la radio, parce que la radio est formatée, est formatée adulte, jeune adulte ou moins de 16 ans. Mais en tous les cas, on manque, je trouve, un petit peu de diversité et de prise de risque sur le monde radiophonique actuel. C'est désolant pour la musique, hein, parce qu'il y a énormément de choses. Quand on dit ouais, le rock est mort, machin, etc., c'est une connerie monumentale, quoi. Donc j'espère que ça changera. Croisez les doigts. Oui, on va les croiser tous alors. En tout cas, on vous retrouve à nouveau dans les années 80. On parlait de Bongo Tango, oui, juste avant. Donc vous nous aviez un peu présenté cette émission avec par vos mots. Mais je propose qu'on écoute un petit extrait de ce que c'était pour les jeunes trentenaires comme moi qui n'ont pas connu, qui sont nés dans les années 80. Bon, pardon pour la qualité du son parce que ça vient des grandes ondes. Hein. C'est WRTL Bongo Tango avec ce soir. Pas de distribution de disques, peut-être la semaine prochaine une petite surprise. Mais ce soir, à côté de moi, sort d'ici, où il est, un invité spécial, Vincent Price, l'acteur américain célèbre. Vincent Price, vous êtes né le 27 mai 1911 à Saint-Louis dans le Missouri. Après vos études à Yale et Oxford, quand même, hein, il n'a pas fait le certificat d'études, vous commencez votre carrière d'acteur à partir de 1935, dans des films d'Otto Preminger, Den Ricking, Fritz Lang, et j'en passe. Mais c'est en 58 que vous trouverez votre vraie voix. Vous tournerez une série interminable de films d'épouvante et d'horreur, pour ne citer que les meilleurs, Le Cercueil Vivant et Lâchez les Monstres. Vincent Price, que pensez-vous du rock'n'roll? Quand j'écoute cet extrait et quand j'en ai entendu d'autres, la question qui me venait à l'esprit, c'est comment vous trouviez l'inspiration? C'était un peu spontané, quoi. J'ai toujours eu une âme de déconneur, à mélanger, à regarder les gens à droite à gauche. Dans Bongo Tango, il y a beaucoup de... C'est une totale fiction, un total délire, mais il y a beaucoup de personnages qui ont été inspirés par, tu vois, Don Calabro, c'est Philippe Labro qui était le directeur général. Il y avait beaucoup de personnages qui ressemblaient à des chefs de service que je déguisais un petit peu à travers cette galerie de personnages, quoi. Jamais on pourrait refaire ça maintenant, tu vois, parce que déjà hurler dans la radio, passer du métal et raconter ce que je racontais à l'époque, comme nulle part ailleurs ne pourrait plus exister avec deux cônes qui lancent des saucisses dans le public, tu vois. Ça, c'est malheureusement, c'est triste. Et cette émission, comment vous la prépariez? Parce que aujourd'hui, avec Internet, pour trouver des nouveautés musicales, des découvertes, c'est facile, mais à l'époque, ça n'existait pas. Ah bah, il fallait faire les magasins d'import de Paris. Il y avait Clémentine, il y avait Gévaudan, il y avait Lido Musique, il y avait une autre boîte au Forum, je me souviens plus. J'allais acheter du vinyle chaque semaine. Je passais ma vie là-bas, quoi. Pendant toute la décennie. Pendant toute la décennie, effectivement. Pendant 10 ans, après, on a eu un directeur qui aimait moins le métal, donc ça s'est senti tout de suite. Vu que ça s'est arrêté. Après, j'ai fait un peu de musique, et puis, en 93, 94, j'ai acheté un ordinateur, avec une imprimante en noir et blanc à 1500 balles à l'époque, un Pentium 50, enfin 2-3 conneries, ça m'est revenu à une blinde, mais j'ai découvert en même temps l'informatique à ce moment-là, et je me suis branché sur Internet, il est 96, voilà, et en me branchant sur Internet, comme tout le monde l'a fait au départ, c'est aller chercher des choses qui vous concernent ou un hobby, voilà, tout simplement. Moi, je suis allé chercher de la musique et des databases pour répertorier la musique, et à un moment, je suis tombé sur All Music Guide, et puis j'ai essayé de le planter. Alors, deux, trois fois, j'ai réussi à le planter, mais globalement, en tous les cas, j'ai passé la nuit. Le truc, il sortait les infos, les groupes. Et puis, j'étais à la cave chez moi, je regardais les murs avec les livres, j'ai dit, putain, au bout du doigt, t'as tout ça autour, dans ce truc-là. Ça a été une vraie révélation pour moi, quoi. Alors, on va y revenir justement, parce que Internet et la radio seront liés. Mais juste pour revenir sur Bongo Tango encore un tout petit peu, récemment vous aviez ressuscité cette émission Le Temps d'une Soirée. Ouais. C'était sur RTL2. Mais refaire Bongo Tango de manière régulière aujourd'hui, Non, ça a plus lieu d'être. Et puis j'ai 66 balais, hein. J'ai plus 23 ans ou 33 ans. De hurler comme je hurlais, je terminais, j'étais en eau, c'est comme si j'avais fait un concert, quoi. Tu vois, j'ai la guitare en carton, je hurlais, je pétais les enceintes. Enfin bon, c'était un vrai show, quoi. Tu vois, c'est pas si là on discute tranquillement ou en go-tango, c'était autre chose, c'était beaucoup plus sauvage. Donc ça, c'est plus possible maintenant. Et alors, au moment où vous veniez de démarrer donc Mango Tango, au même moment sur la bande FM, les radios libres commençaient à fleurir. Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous a pas tenté? Alors, écoute, j'ai eu des propositions pour faire ouais, pour changer de radio, mais je faisais Mango Tango. J'allais pas. C'est le truc ultime que je faisais. Donc, avec la sauvagerie que j'avais en moi, avec la musique que j'avais en moi. Et puis on me laissait faire sur... Donc voilà, ça a eu un succès phénoménal au Mango Tango. Hein, avant les radios libres, il y avait 300, 400 000 mecs qui écoutaient à l'époque entre 23h et minuit, quoi. Donc non, j'ai pas eu envie. J'ai eu des propositions, mais à partir du moment où tu te sens bien là où tu es, voilà, c'est pas une histoire de blé, c'est une histoire de bien-être avant tout. Et donc, Mango Tango donc, s'est arrêté en 90. Ouais. Et vous restez toujours sur RTL le soir. Ouais. Et donc, vous parliez d'Internet, justement. On va y venir avec ZikWeb. Mm-hmm. Vous aviez commencé en 96, 98, ouais. Par là. Parler d'Internet à la radio, à l'époque, c'était nouveau comme concept. Pour vous, c'était un nouveau challenge? Oui, je suis très fier de ça parce que, un peu comme le métal à la fin des années 70, l'Internet, ça s'est imposé à moi comme une sorte de révolution, quoi. Tu pouvais communiquer avec les gens, tu pouvais découvrir, tu pouvais chercher des trucs et les trouver. Ça s'est imposé. Oui, ça a été non pas un challenge, mais le prolongement d'une passion naissante, quoi. Et on a fait les petites émissions d'un quart d'heure avec Arnaud Chaudron, qui était plus technique, plus sur les jeux. Et puis voilà, ça s'est transformé en ZikWeb. T'es Zik, t'es web, t'es ZikWeb, yeah. On passait de la musique, mais on faisait beaucoup de sites internet, de pages perso, avec des éleveurs de dindons au Québec en 96, avec un mec qui était sur un bateau à un autre moment. C'était fantastique, c'était pas... Un peu comme les routiers, quoi. Tu vois, c'était une connexion avec les gens qui étaient de l'autre côté. Donc, ça, Le contact mondial faisait qu'on pouvait rappeler les gens pour faire des interventions et parler un petit peu de pourquoi ils étaient sur Internet, tu vois, faire une page comme ça, quoi. Non, c'était vraiment super intéressant, quoi. Et vous êtes encore aujourd'hui resté connecté. Oui, bah ça, bon, c'est un peu comme Edison qui a inventé l'ampoule, il l'a allumé une fois, il l'a pas éteint après. Hein, on n'est pas retourné à la bougie, hein, faut être clair quand même. Hein. Donc, oui, je suis toujours connecté parce que je trouve que c'est un. Après, il faut faire la part des choses et pas tomber dans tout et n'importe quoi. En tous les cas, si t'as besoin d'un service, si t'as besoin de rechercher quelque chose, si t'as besoin de comparer des choses ou d'avoir une double lecture sur des infos qui peuvent sortir, en s'appliquant une sorte de rigueur un peu dans tes démarches, c'est formidable. Mmh. Bon, si t'es dans tout et n'importe quoi, et si t'es à la recherche de tout et n'importe quoi, oui, tu tomberas sur tout et n'importe quoi. Ah, c'est vaste, Internet. Oui. On va se connecter justement maintenant à votre discothèque avec votre deuxième choix musical, ouais. Francis Zégut, Marvin Gaye, ouais. Et What's Going On. Écoute, en même temps que d'écouter du rock'n'roll, j'ai beaucoup écouté de soul music, mais c'était les deux courants les plus importants, même au début des années 50. Il y a eu... De toute façon, le rock'n'roll, il est né à Memphis. C'est un mélange de country music et de blues. Et le rhythm and blues, s'est transformé en soul ensuite. Et il y avait des choses extraordinaires. Il y avait des compos extraordinaires. Il y avait des voix extraordinaires. Ce qui fait que parallèlement à écouter du rock'n'roll, j'ai beaucoup écouté de soul music et de rhythm and blues des années 60. Je me suis arrêté sur Marvin Gaye parce que cet album, je pense, le premier album écologique de l'histoire, où il a traité la guerre du Vietnam, les problèmes de drogue, l'histoire de son frère, le ghetto. C'est un album, c'est une pierre angulaire dans l'histoire de la musique. Hein. C'est pas simplement la soul music. Cet album What's Going On de Marvin Gaye, qui date du 70, je crois, ou 71, je ne me souviens plus très bien. C'est un album à avoir chez soi. Si on doit avoir 10 albums, celui-là doit faire partie de ces 10. Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? Voilà, c'était Marvin Gaye, What's Going On. Ah, j'ai l'impression que vous me faites un pop rock station by Zégut en face de moi. Ouais, non, je sais pas. J'adore cet artiste, quoi, qui est parti un peu trop vite aussi. Oui, c'est vrai qu'il a eu un destin tragique. Tué par son père. Bon, il est tombé dans les substances. Il était cocaïnomane à très haut niveau et est devenu complètement paranoïaque, quoi. Bon, ce qui à un moment provoqué l'irréparable, que son père le descende carrément, quoi. En tout cas, c'est dur de rebondir après ça. Non, mais ça fait partie de l'histoire, quoi. Oui, bon, bien sûr. La vie, la mort, hein, tu sais. Bon, on a tous le même passeport. En tout cas, on poursuit, en tout cas, votre parcours radiophonique. Donc, on était sur Zeek Web à RTL. émission qui s'arrêtera en 2000-2001. En même en temps 2000, que... Oui, parce que à un moment, on a pensé que de mettre du football le soir, c'était plus important. Enfin bon, avec le recul, je me pose toujours la question. Non, c'est plus le cas maintenant. Non, c'est plus le cas. En tout cas, donc vous quittez RTL, mais vous changez pas d'adresse, puisqu'on vous retrouve sur RTL 2 ouais. Pour Pop Rock Station by Zegut. Moi, je voulais savoir, comment vous préparez cette émission? Est-ce qu'il y a un peu de spontanéité dans votre programmation musicale? La colonne vertébrale de cette émission, c'est avant tout les petites infos, l'éphéméride que je peux donner chaque jour en rappelant des dates, des naissances, des morts, des sorties de disques, etc. Chaque jour, j'en extrais quelques-unes de l'éphéméride que je fais sur By Zegut, qui est en entier. Dans votre blog? Sur le blog. Et ça me sert de colonne vertébrale dans le sens où je les place à un endroit ou à un autre et je me dis, tiens, on va passer ce morceau-là, qui a un rapport avec la petite news. Et puis derrière, on pourrait passer quoi? Et avant, on pourrait passer quoi? Voilà, ça... Les vertèbres sont là et après ben j'y mets des muscles, des tendons et j'essaie de créer toutes les 20 minutes une sorte d'ambiance. Il peut y avoir 20 minutes blues, 20 minutes metal, 20 minutes new wave. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se fait et ça prend autant de temps qu'à faire. C'est-à-dire je mets 2 heures pour faire une prog d'une émission qui dure 2 heures. Et moi, je me souviens, vous parlez d'ambiance, moi je me souviens que pendant une période sur RTL2, vous faisiez aussi le dimanche soir une émission qui s'appelait Night Station. Ah oui. Qui avait aussi une belle atmosphère sonore, moi j'ai trouvé. Ah bah, Night Station, c'était un truc cool, quoi. Maintenant on dit plus cool, on dit chill. C'est ça. Voilà, donc oui, c'était du down tempo tout le temps. Pas forcément du down tempo électro, mais des choses cool, avec une ambiance à l'intérieur. Oui, j'ai beaucoup de plaisir, mais la musique en elle-même est une émotion. Donc, que ça soit du métal, que ça soit un truc des années 60 ou du chill, des trucs cool, voilà, ça pour moi, ça me procure des émotions. Et je trouve qu'il y a une musique pour chaque émotion. Tu peux être happy, mélancolique, ta gonzesse vient de te plaquer, tu viens de te brûler le doigt, c'est ton mariage. Il y a des musiques pour chaque émotion humaine. C'est pour ça que c'est fort, parce que et que tu te souviens d'un titre en particulier dans ta vie, puisque les événements importants ont été marqués par de la musique, ou tu l'as écouté à la radio, ou c'est ton voisin qui le passait et avec une fenêtre ouverte et tu roulais et t'entendais ce truc-là, ou c'est ta copine qui a aimé un disque et t'étais follement amoureux d'elle et tu l'as emmené avec toi. C'est une sorte de passeport, on met des tampons à chaque fois et t'emmènes ça avec toi, quoi. Et juste pour faire la jonction avec Internet, encore une fois, vous avez eu des retours d'auditeurs, pas forcément de l'Hexagone, mais aux quatre coins du globe, parce que c'est aussi l'utilité d'Internet par rapport à la radio, c'est de pouvoir être entendu de partout dans le monde. Oui. J'ai un gars qui vit en Nouvelle-Zélande avec sa femme là-bas, qui me suit depuis avant. Je veux dire conneries. Une quinzaine d'années. Et le gars vivait en France et il m'embarquait avec. Donc, avec Internet, il peut m'écouter là-bas. Et de temps en temps, on sort un coffret, tu sais, chaque année, il fait venir le coffret jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Mais oui, j'ai des copains à Los Angeles, j'ai des gens qui écoutent en Belgique, en Suisse, au Canada. Oui. Quand j'ai fait un road trip, cet été avec ma famille, et il y a un Américain qui est venu. J'avais posté une photo sur des caravanes de pionniers, des carrioles de pionniers, et j'ai un Américain qui est venu à un moment en me suivant sur Facebook et qui me dit bonjour et tout, je vous suis, tatati. Alors ça, ça s'appelle une prairie schooner, ce que je ne savais pas. C'est le nom de ces caravanes de pionniers, ça s'appelle une prairie schooner. Donc le gars, j'ai échangé avec lui en lui disant merci, je savais pas le nom de cette caravane. Et le gars, il a continué à me suivre tout le temps en fonction des photos que je postais ou sur Instagram ou sur Facebook. Et il continue maintenant, alors que je suis rentré, que je poste d'autres photos, à laisser des commentaires, à me dire, ben, je suis OK aujourd'hui, je vais bien, j'ai fait des études en France, tati, tata. C'est-à-dire que d'une photo sur un Facebook, on arrive à établir une connexion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et ce quelqu'un qu'on ne connaît pas, grâce à ce petit rapport, et à ce que tu postes, aime bien, te suis et continue à te suivre une fois que t'es rentré. C'est comme la radio, c'est exactement la même chose. La mécanique des ondes. 40 ans de radio, Francis Zégut, même plus de 40 ans maintenant. Ouais, 43, je crois, oui. Ouais. Alors, juste avant de passer à la partie question, j'en ai une que je voulais vous poser spécialement. Allons-y. Il y a un an de cela, Malcolm Young d'AC/DC nous quittait. Oui. Je sais que c'est un groupe dont vous êtes un très grand fan. Vous leur avez rendu hommage dans un Pop Rock Station spécial. Est-ce que vous gardez un souvenir marquant de lui? Je garde un souvenir de ce groupe comme il a toujours été. C'est-à-dire extraordinaire. J'ai vu ça en 79 la première fois au Pavillon de Paris et je me demandais ce qui m'arrivait d'utiliser la guitare, l'électricité, le chant pour en donner un tel résultat. Bon, pour moi, ça, j'ai mis les doigts dans la prise, comme on dit. J'ai plus jamais quitté. Mais c'est surtout ce que j'ai apprécié chez ce groupe. Outre la musique, c'est qu'ils ont été toujours très discrets. Jamais ils sont répandus à droite à gauche. Jamais ils ont fait les sites People. Jamais ils ont fait de compromis en tous les cas. C'est, on fait un album, on sort l'album, on fait une tournée et après on disparaît. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire et je le rends hommage à ce niveau-là. C'est-à-dire ne pas avoir besoin de tout ce barnum autour pour faire de la musique et que cette musique soit aimée par des gens. Alors on va passer maintenant à la partie questionnaire, Francis. Okay. On va commencer par la question capsule, une question posée par l'invité de la précédente émission. Et alors on est raccord au niveau du rock à la radio, puisque là c'est un autre pilier du rock à la FM, c'est Dom Kieris. Ah, cool. Sur UFM depuis la création de cette radio en 87. On écoute sa question. Salut l'ami Zégut, vraiment ça fait plaisir de pouvoir te parler comme ça par l'intermédiaire de cette émission de radio. Alors quelle question je pourrais te poser? Bon, j'aurais des tonnes de questions à te poser, mais il y en a une. En fait, on a un point commun, c'est que toi on t'appelle Tonton et moi à UFM on commence à m'appeler Tonton aussi. Est-ce que je dois prendre ça bien ou comment tu prends ça toi? Est-ce que au départ ça t'a fait plaisir parce que moi on m'appelle Tonton maintenant? Déjà moi ça me gêne un petit peu parce que Tonton c'est toi quand même. Oh, écoute, c'est gentil, Dom, mais il faut le prendre bien. Voilà, parce que les gens qui... Moi, je me souviens de Wango Tango, où je disais « salut mes nièces, salut mes neveux », donc c'est un peu parti de là, quand même. Et puis, quand on dit « tonton », ben, c'est un truc sympa, quoi. Tu fais partie de la famille. Voilà, c'est ça qui est important, parce que on fait de la radio, mais derrière, il y a des gens. Donc, si les gens peuvent attraper un petit quelque chose, et puis que ça leur fasse du bien, ben, écoute, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver à un être humain, en tous les cas, d'avoir des rapports comme ça avec d'autres êtres humains que tu ne connais pas. La magie de la radio. Ouais, la magie, ouais. On va passer aux questionnaires rapides avant de nous quitter. Francis, vous êtes prêt? Ouais. C'est parti. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Jean-Bernard Hébé, c'est un vieil animateur. Maintenant, je peux lui dire, parce que moi aussi je suis un peu vieux, que j'écoutais à l'époque et j'ai toujours trouvé formidable, parce qu'il avait une pile de disques, il enchaînait les disques comme il le voulait, il avait toujours le mot, l'humour, la façon de le dire. Pour moi, ça a été une sorte de modèle qui, lui aussi, est dans la naissance de Wango Tango sur RTL. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Une seule radio, c'est difficile. J'écoutais France Inter, mais mes parents écoutaient RTL. Donc quand les parents écoutent RTL ou France Inter ou Europe 1, en règle générale, ils ont cassé le bouton et dans la bagnole, c'est ça. Donc tu n'as pas envie d'écouter, tu sais pas ce que c'est, mais tu écoutes quand même. Donc voilà, mais plus RTL ou France Inter. Quelle radio vous réveille le matin? Aucune. Quelle radio vous endort le soir? Aucune. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? En règle générale, dans la voiture. Un endroit où vous n'écoutez jamais ? Bah, tout le reste. Votre meilleur souvenir de radio ? Bah, écoute, j'ai fait une interview un jour de Tina Turner au milieu des années 80. Et bon, on discutait. Et d'un seul coup, elle s'est levée et s'est mise à chanter. Donc, je suis resté un peu comme ça. J'ai dit, ah ouais, putain, Tina Turner, ça chante comme ça. Bon, voilà, ça a duré 10 secondes, le temps qu'elle chante une petite phrase de, je sais plus ce que c'était, Let's Stay Together, What's Love Got To Do With It. Mais en tous les cas, ça, c'est un gros souvenir. 10 secondes de Tina Turner, même 10 secondes, ouais, ça impressionne. Ouais, c'est une vie. Hein. Et le pire souvenir ? Alors, le pire souvenir, c'est Joe Jackson, qui a fait très bon disque dans les années 80, fin 70-80. On l'a invité, puis on trouvait qu'il avait une tête de Tintin, ce qu'il a d'ailleurs, toujours un petit peu. Donc j'avais dégoté une édition de Tintin un peu originale, machin. Donc je lui ai filé, et puis je lui ai posé des questions. Il disait yes, no, yes, no. Au bout de 20 minutes, j'ai fait bon, écoute, si t'as rien à dire, tu peux partir. Ah oui. Quand ça se passe comme ça, si le mec il a pas envie de parler, ben il s'en va ou il vient pas quoi. Ça avait aucun lien avec l'album de Tintin, j'espère. Non. Bah non, sans ça il aurait manqué d'humour quand même. Et enfin pour terminer, un conseil à quelqu'un qui voudrait faire de la radio. Alors écoute, faire de la radio. J'ai pas de bons conseils. J'ai envie de dire, soyez passionné. Parce que vous faites tout d'abord, et peu importe si c'est de la radio ou autre chose, si vous êtes bon en cuisine, en ébénisterie, en mécanique, ben faites ça. Je pense qu'il faut avoir un but dans la vie, mais pas trop rêver, parce que les histoires de contes de fées maintenant, ça n'existe plus. On commence plus au standard, on ne devient plus assistant et programmateur et on fait plus de l'antenne d'après. On regarde si t'es bankable et ce que tu fais et combien dans telle catégorie, etc. Donc si c'est pour faire de la radio et enchaîner des disques, bon, à moins que t'aimes la musique de ta radio particulièrement, mais pour une sorte d'épanouissement, je trouve pas ça terrible, quoi. Alors donc, tu peux faire ça quelques années, mais toute une vie. Et puis, la radio, elle est pas dans le mur, mais ça se rapproche quand même, hein. Les générations actuelles sont en train d'avoir des habitudes de consommation. Et moi, j'ai une fille de 18 ans, elle écoute pas la radio, hein. Faut être clair, hein. Spotify, YouTube, Netflix. Oui. Je suis désolé de vous couper, Francis. On est très pris par le temps, malheureusement. Ah bon, mais je repasserai alors. Ça marche. Le message est passé. En tout cas, Francis Zégut, merci à vous d'être venu. On vous retrouve sur RTL2 dans Pop Rock Station du lundi au jeudi de 22h à minuit. Et je tiens à le dire, cette émission, dès que je peux l'écouter, je l'écoute à tête vraiment reposée parce que vraiment, c'est un bon moment d'évasion que vous nous offrez. Merci à tous. Merci, Eddie.